ci avenir politique am Idrissa. Ah, dama don wax ne que amna intelligence politique Idrissa. Li xawa bett nit ñu bari moy campagne bi gisunu mu def ci moyen. Xamuñu ndax dafa amut moyen, am dafa denc ay moyen parce que dafa yaakaaroon ne Ablaye Wade du bayyi te du nanguñu gagné ko. Lolu lu jara bayyi xel la. Donc dafa gëmul won ne élection bi man na ci war na ci def moyen peut-être pour préparer yenen confrontation électorale. Waye fofu aussi man na né né intelligence politique am doxut. Bi muy tann ñoñu mala wax mu tann ni nañ diriger campagne am tamit intelligence am politique am doxut. Idrissa dafa am lo xamni moko yaq. Il a beaucoup de qualité moy waye dafa wolu xelam trop ba lu bari da fay faral di joom parce que dafa wolu xelam ba ñaare yenn yi du deglu nit ñi te dafa bax di deglu nit ñi. Qualité bi mo reconnaître Macky Sall moy capacité d'écoute bo xamni kep kuy njit kep kuy kilifa bo du deglu say conseiller ñu di la wax nga xamne sa xel matut boko du def ci erreur ngay dekk. Waaw, amna ñaari façon deglu. Façon bi Ablaye Wade di deglo moy dang koy wax lu ko neex ma mu dakala. Legi ya amna benen façon bo xamni da ngay deg lo xamne neexu la nga nangune moy deg.